Les intrus viennent de pénétrer dans le secteur E3. Votre présence est détectée. Les intrus viennent de pénétrer dans le secteur E3. radio. It was about radio. Thank you. We'll be right back. ne pas manquer, en supplémentaire à la salle Jean-Antonio Thompson, Robert Charlebois et la tournée Tout est quartier en concert. Fort de 40 ans de succès et d'une nouvelle compilation, la légende s'amène avec ce qui est annoncé comme sa dernière grande tournée électrique. Une chance unique de passer une soirée en compagnie de l'icône et de vivre ce spectacle aux critiques dithyrambiques. Billets en vente à la billetterie de la salle Jean-Antonio Thompson. Achat téléphonique 380-9797. Robert Charlebois, un spectacle à voir absolument le jeudi 16 mars prochain à la salle Jean-Antonio Thompson. Dans le vent, c'est absolument, absolument, absolument très salissant. Le vendredi après-midi à 13h, plongez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, découvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. Aerosmith, The Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Deep Purple, Iron Maiden. Rock classique tous les vendredis de 13h à 17h sur les ondes de C'est fou 89.1. You'll take my life, but I'll take yours too. Mercredi le 1er mars, C'est fou, Dare to Care Records et Bon Sound présentent le spectacle de lancement du nouvel album de Malajube, Trompe-l'œil. Billets en vente au Maquisard et sur le réseau Softticket. Consultez bonsound.com pour plus de détails. Le nouvel album de Malajube, Trompe-l'œil, en vente partout dès maintenant. Vous êtes assez fou, 89 ans. Welcome, all you cool cats and fine felines. You come to the place where the sophisticats and hipsters hang their bebop hats. So, snuggle up and come here, for tonight is Talent Night at the Rocking Chair. Geometric hallucination. Are you aware of life on another planet? Universe. God's silver tapestry spread across the night. You are the alien. Geometric hallucination. cannot triumph any soon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. There is no spoon. Thank you. De ski, de snow ou même de glissade sur tube. Saint-Mathieu-les-Cantons. À moins de 30 minutes de Trois-Rivières, Saint-Mathieu-les-Cantons, c'est du plaisir pour tous au meilleur prix. Viens descendre l'une de nos 13 pistes réparties sur trois versants de neige 100% naturels. Saint-Mathieu-les-Cantons, c'est également le plus grand snowpark en Mauricie. Saint-Mathieu-les-Cantons, on t'y attend. Could I have your attention, please? Jimi Hendrix, Pink Floyd et le LSD ne vous font plus halluciner comme avant. Pas besoin d'aller lucher le dos des crapauds en Amérique du Sud ou de chercher du peyote à quatre pattes dans le désert. Passez plutôt du vestibule à l'univers électronico-psychédélique de DOA. Samedi à 23h pour 2h. Une porte ouverte sur le cosmos. Maniaque de House, House Mania, mercredi 22h à CFOU 89.1 FM. Take control. Take control. Take control. It's a dream. Tu te demandes quoi faire en fin de semaine? Tu veux t'amuser sans que ça te coûte les yeux de la tête? Kiorama vous propose les vendredis et samedis clair de lune. 18 allées informatisées, 12 grosses, 6 petites. Idéal pour les parties d'assaut ou une soirée entre amis. Dès 11h30, les vendredis et samedis, viens quiller sur les plus grands hits de la musique disco. Kiorama, rue Aubuchon, à deux pas du QTR. Vous êtes assez fous. Nothing you touch, you don't feel. Do not know what you steal. Shakes your hand, takes your gun. Walks you out of the sun. What you touch, you don't feel. Do not know what you steal. Destroy everything you touch today. Please destroy me this way. Everything you touch, you don't feel. Do not know what you steal. Shake your cup, take your gun. Wash you out of the sun. What you touch, you don't feel. Do not know what you steal. Destroy everything you touch today. Please destroy me this way. Mercredi le 1er mars, C'est Fou, Dare to Care Records et Bon Sound présentent le spectacle de lancement du nouvel album de Malajube, Trompe-l'œil. Billets en vente au Maquisard et sur le réseau Softticket. Consultez bonsound.com pour plus de détails. Le nouvel album de Malajube, Trompe-l'œil, en vente partout dès maintenant. Samedi, 21h. La connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est aussi des critiques de jeux, des discussions, des gadgets, des nouveautés, des sites intéressants et des nouvelles insolites. La connexion, les jeudis de 11h à 13h, en rappel les mardis de 10h à midi, à C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Thank you. Thank you. kick on drugs. Thank you. flare of the morning sun. It had been drifting for centuries through the inner solar system, like an iceberg in the ocean of interplanetary space. Planetary exploration, when our ships have begun to sail the heavens.